mentale et ma culture occidentale et mon instruction monumentale et le gouffre entre ces deux cultures. Sur but m'installe pour dénoncer les torts de ces porcs qui courent à la destruction de notre pauvre terre. Trop de poids sur terre, les riches les enterrent. Jour après jour, le sud souffre, se meurt. Le mal enquête l'Afrique et sa grandeur meurtrie par les chaînes de Babylone System. Il sème la haine, récolte de néo-terroristes de nos jours. Nombreux sont ceux qui sont dans l'extrémisme. Et oui, nombreux sont ceux qui souffrent de l'extrémisme. Toujours les mêmes qui souffrent face à l'égoïsme, le même altruisme. Émanant des politiques de ce monde, la paix pour l'Afrique, c'est la politique de ce monde. En France, le racisme tend à diviser l'opinion. Un adhéroïste sur ce sujet, objet de donner son opinion. Tant de choses qui ne vont pas dans ce putain de pays. On nous trahit, nous bande les yeux et veulent de nous l'obéissance. Choc de civilisation. Comme promis de belles paroles pour nous montrer qu'ils assument soi-disant leur rôle. Mais leurs promesses n'ont aucun sens. Choc de civilisation. L'histoire est un perpétuel recommencement. Toi-même tu sais l'espoir fait vivre. Mais jusque quand noir est l'avenir dans ce monde où règne la terreur. Trop de morts stupides, l'atrocité ma sœur. En Irak les States jouent la carte de l'envahisseur. Guerre éclair, Bagdad passe sous l'eau compresseur. La collerie sous l'égide d'une menace grandissante. C'est des armes de destruction massive. Encore et toujours un trou barbouche coupable d'avoir menti au monde et falsifié les preuves sur l'existence d'une bombe. Menace nucléaire, Saddam mis au tapis chaotique dès le premier round. Sa descendance humile est décapitée par les bombes. Après on vient parler de modèle des droits de l'homme foutait. C'est la loi de la maille, l'épreuve à bombe. Celui qui pèse contre le monde. Loi du mal dominant dans ce monde. Tant de choses qui ne vont pas dans ce putain de pays. On nous trahit, nous bande les yeux et veulent de nous l'obéissance. Tant qu'on promis de belles paroles pour nous montrer qu'ils assument soi-disant leur rôle. Mais leurs promesses n'ont aucun sens. Chant de civilisation. Sur terre, restez fiers et de rigueur. Par ailleurs, peu de gens sont de nos jours. Pire et meilleur sont à venir. Ouais, l'avenir assombri par ces dardes politiques sans cœur. Pour l'heure, tout reste à faire. La dèche nous entoure. Et demain, dans mon labeur, face aux vautours, c'est sûr, je vocifère. C'est la merde, frère, mais faut s'y faire. Des faces à Lucifer sur cette sphère où règne la terreur. Trop de morts de guerre, d'atrocité, ma sœur. Résister face à l'oppresseur, j'en fais mon affaire. En microphone, compère, je converge pour éviter le couloir de la mort. J'immerge pour dénoncer les torts de ces porcs. Ces barges courtes à la destruction de notre terre. Le sud souffre, à quand la révolution? La prochaine guerre, une décolonisation, une nouvelle ère. Tant de choses qui ne vont pas dans ce putain de pays. On nous trahit, nous bande les yeux et veulent de nous l'obéissance. Choc de civilisation. Tant qu'on promis de belles paroles pour nous montrer qu'ils assument soi-disant leur rôle. Mais leurs promesses n'ont aucun sens. Choc de civilisation. Tant de choses qui ne vont pas dans ce putain de pays. On nous trahit, nous bande les yeux et veulent de nous l'obéissance. Choc de civilisation. Tant qu'on promis de belles paroles pour nous montrer qu'ils assument soi-disant leur rôle. Mais leurs promesses n'ont aucun sens. Choc de civilisation.